couche, percé de plus. J'ai la peau craquée depuis toi desséché. Quand vient la lune, le vent est frais. Par habitude, je te cherche sous canapé. Tu t'aimais loin, ma nuit de hier, si j'ai trouvé ta main. La tristesse, tu m'as traqué, tu m'as vu, tu m'as pris au collier, mon cou tout l'a tordu. Mais t'es pas là, oui, mais t'es où, pas là, t'es où. Des nuits d'ivoire sur ça, je t'en dois. Si les tiennes sont noires, alors j'en veux pas. Ainsi va la vie, ainsi va. Ainsi va la vie, ainsi va la vie, enfin surtout la tienne. Je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais où es-tu? Où es-tu? Je te remplace car je peux que tout s'efface. Je ferme je suis ça. Les cœurs ambiantes, soyons la ruche d'un futur en fait. Je te remplace, je te remplace. Quand je le veux, quand je peux. Je suis une cruche, percée de plus. J'ai la peau craquée depuis toi. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude je te cherche sur le canapé. Tu t'es les longues nuits de Ooh. Là. Thank you. Thank you. Non, c'est l'autre là.